jour la nous vin rencontrer. Tu as moi été prisonnier. Tout ça moi imaginé. C'est un jour la moi trouvé. Malgré ça moi espéré. Pour nous faire la vie à des. Sans même en réaliser. L'amour nous déjà brisé. Pour moi paix ça retrouvé. Passe à pays qui est trop tard. Moi ça que ça va. Sans jamais.